La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, quelle éthique pour l'innovation ? En 1939, Albert Einstein, invité à prendre la parole au séminaire de théologie de l'université de Princeton, déclara ceci. Il est indéniable que des convictions ne peuvent trouver de confirmation plus sûre que celles que donne l'expérience et une pensée claire. On ne peut sur ce point que donner raison aux rationalistes extrêmes. Mais le point faible de cette conception est que les convictions indispensables pour agir et pour porter des jugements ne peuvent en aucun cas être obtenues par la seule voie scientifique. La méthode scientifique ne peut en effet rien nous apprendre d'autre qu'à saisir conceptuellement les faits dans leur détermination réciproque. Le désir d'atteindre à une connaissance objective fait partie des choses les plus sublimes dont l'homme est capable. Mais il est d'autre part évident qu'il n'existe aucun chemin qui conduise de la connaissance de ce qui est à celle de ce qui doit être. Fin de citation. Le père de la relativité dit là quelque chose d'essentiel. Grâce à la démarche scientifique, nous sommes en effet devenus capables d'acquérir des connaissances aussi objectives que possible sur le monde. Mais pour autant, la science ne peut pas tout, contrairement à ce qu'avaient espéré les scientistes radicaux, les rationalistes extrêmes, comme les appelle Einstein. Ceux-là pensaient que la science pourrait répondre à la totalité des questions que nous nous posons. Au bout du compte, elle parviendrait à expliquer non seulement l'univers physique, mais aussi la vie et la conscience dans tous leurs aspects, nous prescrivant ainsi ce qui est bon et ce qui est mauvais. Philanthropes souvent zélés, fascinés par les succès de la science, ils avaient su trouver des accents lyriques pour annoncer que leur nouvelle déesse finirait par apporter une réponse heureuse à toutes nos interrogations et éclairerait ainsi nos vies dans leur ensemble. 80 ans après la conférence d'Einstein, un tel optimisme se fait plus rare. Nous avons compris quelque chose. Les sciences ne traite vraiment bien que des questions scientifiques. Or, les questions scientifiques ne recouvrent pas l'ensemble des questions qui se posent à nous. Du coup, l'universel que les sciences mettent au jour est par essence incomplet. Ils n'aident guère à trancher les questions qui restent en dehors de leur champ. En particulier, il ne permet pas de mieux penser l'amour, la liberté, la justice, les valeurs en général, le sens qu'il convient d'accorder à nos vies. L'universel que produisent les sciences ne définit pas davantage la vie telle que nous aimerions ou devrions la vivre, ni ne renseigne sur le sens d'une existence humaine. Comment vivre ensemble? Comment se tenir droit? Et au nom de quoi le faire? De telles questions sont certes éclairées par la science et parfois modifiées par elle, mais leur résolution ne peut se faire qu'au-delà de son horizon. Dès lors, quand l'avancée des sciences permet d'envisager une nouvelle possibilité technique, comment répondre à des questions telles que celle-ci? Devons-nous faire tout ce que nous pouvons techniquement faire? Si la réponse est non, comment faire le tri? Comment choisir? Et au nom de quoi? En d'autres termes, quelle doit être notre éthique de l'innovation? Pour répondre à ces questions qui sont délicates, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Jean-François Delfrécy, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin, professeur de médecine spécialisé dans l'immunologie, président depuis 2016, je crois, du Comité consultatif national d'éthique. Et vous êtes donc la personne que je me devais d'inviter pour poser cette question de l'éthique à propos des innovations, qu'elles soient des innovations en médecine ou dans d'autres champs de la technologie. Et d'abord, je voulais avoir votre avis sur cette phrase d'Einstein quand il dit « Il n'y a pas de chemin qui permette d'aller de la connaissance de ce qui est, que la science nous donne, à la connaissance de ce qui doit être. » Est-ce qu'on peut commenter Einstein? Certains l'ont fait. Non, en tout cas, ça va sur la notion très générale que la réflexion doit porter, bien sûr, sur les connaissances scientifiques et que ça a été un progrès immense de ne plus être dans la croyance, mais être sur des faits, et sur des faits vérifiés. Et puis, bien sûr, d'admettre aussi que ce n'est pas suffisant. Et ceci pose la question de, ensuite, est-ce que toute la science est bonne à prendre à un temps donné? Et qui ensuite fait le tri? Et comment fait-on le tri? On pourra en discuter. et ma position qui est connue est de dire que sur ces sujets extrêmement difficiles, ce n'est pas seulement les sachants et les, par exemple en médecine, les médecins, mais dans d'autres domaines, les scientifiques, mais que ça doit être une décision complexe qui doit aussi s'appuyer sur la voix des citoyens. Alors avant de parler de ce que vous faites en tant que président du Comité consultatif national d'éthique, je voudrais qu'on revienne pendant quelques minutes sur votre carrière. Vous avez beaucoup travaillé à propos du sida, du VIH. Qu'est-ce que ça a changé dans votre pratique de médecin? À partir de quand êtes-vous entré dans la bataille contre le sida? Alors j'étais immunologiste, c'est-à-dire comprendre finalement les mécanismes de défense contre les agents infectieux et ou comprendre les mécanismes de défense contre les tumeurs par exemple. C'est-à-dire j'étais assez en sciences fondamentales. J'étais issu d'ailleurs d'une formation très scientifique. Et puis, à l'occasion d'un séjour aux États-Unis, les premiers cas de sida sont arrivés dans les années 83. Je suis rentré en France. J'aurais probablement dû faire une carrière de chercheur fondamental. Et les premiers cas de sida m'ont interpellé. J'étais dans banlieue sud, à l'hôpital Béclair, à Clamart, où on recevait une série de patients dans un contexte difficile. C'était à la fois l'arrivée de l'homosexualité à l'hôpital, c'était aussi l'arrivée des usagers de drogue, des toxicos, comme on les appelait à l'hôpital, avec une série de rejets sociétal vis-à-vis de tout cela. Et donc, aussi, une forme de médecine qui ne savait pas. Alors qu'on était dans une médecine triomphante, que j'avais été formé pour ça, conduit à cette forme de médecine triomphante. Et là, brutalement, on était devant un échec total avec une mortalité qui était très forte. Donc j'ai plongé, j'ai changé, et j'ai plongé en montant une unité de prise en charge clinique du VIH et avec associée à une unité INSERM de recherche sur le sujet. Et ça a changé ma vie. Pourquoi? Parce que on a commencé à travailler beaucoup avec le milieu associatif. Par force, ils en savaient pratiquement autant que nous. Il y avait des liens qui commençaient avec le milieu associatif américain. Et on a construit ensemble. Et ça a changé ma vie, ma vision de la médecine, ma vision du patient. Ça rejoint la notion du patient debout et pas du patient couché. C'est sa maladie qui lui appartient. Et nous, médecins, nous sommes à la fois très techniciens, mais aussi pour discuter et avoir un contact humain et un dialogue de confiance. Mais ce n'est pas notre maladie. Et c'est le cœur, finalement, de ma réflexion globale, qui m'amène probablement, d'ailleurs, au comité d'éthique. C'est le patient au cœur de notre réflexion. Alors, quelles ont été, Jean-François Delfrécy, les grandes étapes de ce combat? À partir de quel moment et à cause de quoi vous avez commencé à reprendre espoir et à voir dans la médecine quelque chose qui pouvait vraiment aider les patients? Alors on a eu des phases très difficiles, hein, puisqu'au début on ne savait pas exactement ce que voulait dire par exemple être séropositif. On pensait qu'être séropositif c'était pouvoir se défendre contre le virus. Alors pas du tout, c'était un marqueur de diagnostic. Ensuite, il y a une phase où on était capable de décrire la maladie, de une prise en charge qui était très ténue. Et puis, on n'a pas baissé les bras et on a commencé à monter à la fois dans la prise en charge des patients, mais aussi au niveau des structures de recherche en France, par exemple, de considérer que les structures ne pouvaient pas faire face à l'urgence que représentait une pandémie de ce type. Et c'est donc à partir des années 90 que s'est mis en place une structure de recherche qui s'appelle l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites, que j'ai eu l'honneur de diriger après. Mais au début, j'étais un des ouvriers de cette agence, entre guillemets. Après, il y a une période extrêmement, extrêmement noire entre 88 et 96. On n'avait pas de traitement, on savait diagnostiquer, et on avait des décès de jeunes patients. Avec en même temps, et c'est bien cette dualité entre médecine et société, une acceptabilité sociale qui a commencé à se mettre en place. Je parlais tout à l'heure des homos, des toxicos à l'hôpital. Au début, c'était une forme de rejet. Et puis ensuite, par exemple, les infirmières, les soignants en général, ont appris à les connaître et ça a été une arrivée importante de dialogue, de discussion. Mais on était quand même très très démunis avec beaucoup de décès. Je me souviens quand j'ai repris un service à Bicêtre dans les années 92, on avait 130 décès du sida par an, c'est-à-dire plus de 2 décès par semaine dans le service. Et vous imaginez que, voilà, c'est une complexité de relations avec les familles. Quand on discute de la fin de vie, oui, j'ai vécu cette période-là aussi. Tous les patients se pensaient condamnés. On pensait d'ailleurs qu'ils étaient condamnés. Et puis on a eu des premiers signes avec l'arrivée des médicaments, des antirétroviraux. Le premier signe important a été de montrer que avec un antirétroviral qu'on appelait l'AZT à l'époque, eh bien ça pouvait diminuer le taux de transmission de ce virus de la mère à l'enfant. Hein. Alors qu'il ne faisait pas grand-chose chez les patients seuls, il était insuffisant, il y avait quand même un signal positif sur cette transmission. Je crois que vous l'avez appris en lisant le journal. Alors, je l'ai appris pas en lisant le journal, parce que j'étais quand même à l'initiative de cet essai, qui était un essai à la fois mené avec le NIH, avec les États-Unis, donc j'étais au courant, bien sûr. Mais le journal, et je l'ai dit dans Le Monde, a été important parce que c'est ma découverte aussi de la puissance de ce que peut représenter un article dans Le Monde. C'est-à-dire que à partir d'un résultat scientifique, de l'evidence-based medicine, comment, on transmet ça pour qu'ensuite ce résultat puisse passer par rapport à la population générale. Et j'ai découvert là la puissance de ce que ça pouvait représenter. Et puis ensuite, il y a, parmi les hypothèses qui avaient été faites, où va-t-on avec cette pandémie, il y avait une hypothèse qui était très improbable par tous les spécialistes, c'était on découvre des médicaments. Eh bien, ces médicaments se sont trouvés, et c'est l'arrivée des trithérapies en 96 qui a changé la donne, et en moins de 6 mois, en très peu de temps, on a vu cette maladie devenir doucement mais sûrement une maladie plus chronique, ou en tout cas il y avait beaucoup moins de mortalité. En 2014, Jean-François Delfrécy, vous avez également coordonné la lutte contre la maladie à virus Ebola entre la France et l'Afrique. Il y a des points communs, il y a aussi des différences. Selon qu'une épidémie comme celle-là se développe chez nous, ou dans le monde entier, ou bien simplement en Afrique, comment est-ce que vous pourriez comparer ces deux expériences? Alors, c'est d'abord, parlons de chiffres, hein. La pandémie de VIH-SIDA, ça reste la plus grande épidémie que nous ayons eue dans des temps modernes. Hein. C'est plus de 60 millions de personnes qui ont été touchées par cette pandémie. Et Ebola, on est à quelques dizaines de milliers de patients, donc c'est vraiment deux mondes très différents. Mais inversement, ce sont des maladies infectieuses et ce sont des maladies transmissibles. Et Ebola, donc, quand on m'a confié, comme délégué interministériel, la lutte contre Ebola, et en particulier l'aide et l'organisation de l'aide de la France avec la Guinée, alors, l'expérience qu'on avait dans le VIH-SIDA, des sites de recherche qu'on avait mis en place en Afrique, nous a beaucoup aidés. Les équipes, on a réussi à les faire basculer. Quand on dit que les scientifiques sont uniquement dans leur monde, c'est pas vrai. Le monde du VIH avait montré que une recherche dédiée, consacrée, ciblée finalement autour de la prise en charge des patients, permettait d'évoluer, et ils ont une série d'équipes est passée sur la recherche sur Ebola. Alors, par contre, moi je me suis retrouvé dans les années 2014 avec plein de points d'interrogation. Par exemple, un des mécanismes de transmission du virus Ebola était à l'occasion des enterrements. Et c'était en Guinée, qui était un pays majoritairement musulman, où la notion d'enterrement dure plusieurs jours, où il y a des contacts qui sont faits, on touche le mort, entre guillemets, et c'est comme ça que les gens se contaminaient. Bon. Et on est arrivé là avec notre vision de médecins occidentaux, et en disant il faut plus faire. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et les familles, voyez, on leur interdisait, d'abord il y avait une mortalité qui était de l'ordre de 70%, hein, qui en quelques jours, une mortalité de 70%. Et c'est la grosse différence par rapport au VIH aussi, qui se faisait dans le temps, alors que là on était dans l'immédiat. Et puis les familles ne comprenaient pas comment. Donc il a fallu avoir une vision très multidisciplinaire, avoir des anthropologues avec nous. Je me souviens très bien comment on avait via le gouvernement guinéen convoqué toute une série d'imams en Guinée pour leur expliquer les enjeux, qui eux-mêmes puissent les expliquer aux populations et comprendre à cette occasion d'ailleurs que, eh bien, il n'y avait pas d'hiérarchie par exemple autour des imams, et qu'un imam d'une tout petit village avait probablement plus de voix que l'imam de Conakry. Et donc, comme quoi on part de questions de recherche très très fondamentales, on va vers une recherche clinique, comment on arrête l'épidémie d'Ebola, et on se retrouve toujours, toujours, avec un point essentiel de sciences humaines et sociales. Et culturelles. Et culturelles. Et qu'est-ce que les anthropologues que vous venez de citer sont capables rapidement de vous donner des conseils ou des explications? Alors c'est compliqué. Sachant que le rythme de la maladie, vous l'avez rappelé, est extrêmement rapide. Oui, c'est compliqué parce que c'est des rythmes différents, évidemment. Les anthropologues et les gens de sciences humaines et sociales sont souvent des gens qui veulent être à la fois dedans, mais qui veulent être aussi dehors pour avoir une vision à la limite un peu critique de ce qui est en train de se faire. Et il faut qu'ils l'aient d'ailleurs pour eux. Et puis inversement, on a besoin d'eux quand on est les mains dans le cambouis pour arrêter une épidémie de ce type, avec des foyers qui se multipliaient en Guinée. C'est une période extrêmement difficile, il y a juste 5 ans. Et finalement, oui, on a pu mobiliser une série d'anthropologues de très bon niveau et qui nous ont aidés à construire ça. L'autre jour, j'assistais à un colloque au cours duquel un vieux professeur de médecine a pris la parole. Il a dit « J'ai oublié la moitié de ce qu'on m'a appris lorsque j'étais étudiant et la moitié de ce qu'on nous a enseigné est devenu faux. J'espère que ces deux moitiés coïncident. » Si vous deviez revoir vos professeurs, ceux qui vous ont formé, qu'est-ce que vous leur diriez que vous auriez appris grâce à cette aventure du sida ou bien d'Ebola? Qu'est-ce qui a manqué finalement dans la formation pour que vous soyez immédiatement apte à résoudre les problèmes auxquels vous avez été confronté? D'abord, c'est quelque chose d'un peu extraordinaire, hein, ce qui s'est passé avec le VIH. J'espère qu'on ne le reverra pas avec une autre pathologie émergente. Encore que, on ne sait jamais, un virus peut toujours muter et compte tenu de la mondialisation, les choses peuvent bouger. Non, ce qui nous a manqué au début, c'est qu'on était une fois de plus dans une médecine relativement triomphante et qu'on croyait savoir et qu'on ne savait pas. Ce que j'ai appris de mes premières années de formation en médecine et d'un patron très remarquable que j'avais eu, c'est qu'il avait quand même fondamentalement, il m'avait dit, Jean-François, le contact avec le patient et le dialogue avec le patient, c'est ce qu'il y a de plus fondamental. Donc c'est en fait quand une maladie met les médecins en défaut de connaissance, que le dialogue peut s'instaurer plus facilement, puisque les malades en savent autant que les médecins. Je pense que ça facilite. En tout cas, ce qui nous est arrivé dans le sida, quand les médicaments sont arrivés, donc quand une partie des questionnements a été résolue, pas tout, puisque ces médicaments permettent de vivre avec, mais n'éradiquent pas le virus. Donc il y a encore beaucoup de recherches qui sont absolument nécessaires. Moi, je m'interrogeais sur le fait que est-ce qu'on allait quitter ce tempo, cette petite musique qui avait été mise en place de relations avec le milieu associatif ou avec les patients eux-mêmes. Et la réponse a été non. On a poursuivi, alors même qu'on avait changé et qu'on était revenu dans un modèle plus classique du médecin sachant. Et quand j'étais directeur de l'ANRS, par exemple, j'avais des représentants associatifs dans le conseil scientifique, dans le conseil d'administration, c'est-à-dire à l'endroit où ça se décidait. Parce qu'il était fondamental, et j'en reste très persuadé dans la recherche en général, d'écouter. Une recherche doit être très libre, hein, une recherche fondamentale doit être extrêmement libre, sans a priori. Et puis, sur certaines questions très sociétales, le fait d'écouter la société peut aussi aider à optimiser les questions de recherche. Alors j'en reviens, Jean-François Delfrécy, à votre rôle en tant que président du Comité consultatif national d'éthique. Vous êtes président depuis 2016, je l'ai rappelé. Comment est-ce que ça fonctionne, un comité d'éthique? Alors, c'est un modèle particulier. Le comité d'éthique a été fondé par François Mitterrand après la naissance du premier bébé de fécondation in vitro, Amandine Aclamart. Aclamart aussi, d'ailleurs. Et lui-même ou son entourage, mais je pense lui-même, avait perçu qu'on était là en train de basculer dans les nouveaux modes de procréation et que ça allait radicalement changer les choses. Et donc, il a créé ce comité consultatif national d'éthique avec l'idée qu'il devait y avoir, bien sûr, des médecins et des chercheurs, mais aussi des gens d'origine très très multidisciplinaire, des philosophes, des gens de sciences humaines et sociales, des juristes, et maintenant on a aussi une économiste de la santé, par exemple. Et donc ce comité existe, c'est le premier comité national d'éthique qui a été créé au monde. Donc la France a une sorte de visibilité sur le sujet, et elle l'a d'autant plus que, associée à ce comité national d'éthique, la France a mis en place également une révision de la loi bioéthique qui a lieu tous les 7 ans, on en dira un mot tout à l'heure, mais qui est une sorte de bras armé, entre guillemets, de la pensée qu'il peut y avoir par rapport à ce comité. Alors le CCNE, c'est 40 personnes, donc seulement un tiers de médecins et de chercheurs et le reste des autres disciplines. C'est des gens qui sont nommés par des ministères, des institutions de recherche, des grands corps de l'État. Le président que je suis est nommé directement par le président de la République. Donc on peut dire qu'il y a un élément politique. Et puis, à vrai dire, non, la réponse est non. Moi, j'ai été nommé par François Hollande et renommé ensuite par le président Macron. On est nommé pour des périodes assez courtes, hein, les membres pour une période de 3 ou 4 ans et le président pour des périodes de 2 ans renouvelables. On se réunit une fois par mois, on travaille par groupe de travail, c'est-à-dire qu'on se saisit ou on est saisi de certains sujets. On peut être saisi par les ministères qui souhaitent avoir un avis sur telle grande question de bioéthique, et puis on peut se saisir. Et à partir du moment où on peut se saisir, c'est là où on est, bien qu'étant strictement consultatif, c'est là où on est autonome et libre, entre guillemets. Est-ce que vous comprenez pourquoi cette invention a été française d'abord ? Et est-ce qu'elle a été copiée par la suite dans d'autres pays européens ou ailleurs ? Alors, pourquoi elle a été française ? Je pense qu'il y a quand même autour de la médecine française de la réflexion. Il y avait une réflexion qui était antérieure. Tout ceci provient, en fait, rappelons-le, hein, la bioéthique moderne, elle vient de ce qui s'est passé à Auschwitz. Hein. Il faut le rappeler parce que je pense qu'on a tendance à l'oublier. Il s'est passé bien sûr des choses dramatiques qu'on connaît, il s'est passé aussi des choses médicales dramatiques. D'expérimentations médicales qui ont été faites dans ces camps et qui ont été menées par les médecins allemands et qui n'étaient pas des petits médecins mais qui étaient pour la plupart des grands patrons de médecine et qui étaient associés au nazisme. Et dans le procès de Nuremberg, il y a deux procès, il y a le procès des dignitaires nazis et il y a le procès ensuite de ces médecins allemands. Et la bioéthique moderne s'est construite à partir du deuxième procès de Nuremberg et de dire non, on ne peut pas voir ça, il faut qu'il y ait un certain nombre d'instances qui permettent de le voir. Donc je pense que la construction du Comité national d'éthique français s'est faite dans ce contexte, avec un décalage. Une vision d'un président qui était à la fois un politique mais aussi un intellectuel, François Mitterrand, hein, et qui avait une vraie réflexion sur le sujet. Et ça a été totalement copié. Et il y a maintenant une série de comités d'éthique dans tous les grands pays, avec des fluctuations en fonction des événements politiques. Hein. Est-ce que vous collaborez avec eux ? Est-ce que lorsque ces différents comités traitent de la même question, vous sentez des grandes variations culturelles, par exemple, ou religieuses, entre les différents pays ? Alors ça, c'est une très bonne question. Oui, moi j'ai toujours travaillé à l'international, donc en prenant le CCNE, j'ai souhaité qu'on rétablisse une série de liens internationaux plus importants qu'il n'avait. On a une réunion, par exemple, en début de semaine prochaine à Berlin, avec les Allemands et les Anglais, pour parler d'un certain nombre de sujets. Il y a des choses qui sont où la pensée et la construction peuvent être communes. Je dis souvent que la prochaine loi de bioéthique, à mes yeux, ça devrait être plus une loi de bioéthique française, mais une loi de bioéthique européenne, si on s'assumait véritablement avec une vision. Et puis, il y a des choses qui sont très différentes. Et il y a sur certains sujets sociétaux, des pays comme l'Espagne, la Belgique, la Suisse, par exemple, autour de la procréation ou autour de la fin de vie, alors même qu'il y a aussi une culture catholique en Espagne qui est très ancienne et qui ont pris des positions maintenant qui sont très différentes, ou en tout cas qui étaient très différentes jusqu'à maintenant de la position française. Donc il y a quelque chose de complexe, hein, à la fois une pensée commune, je pense qu'il y a vraiment une pensée européenne auquel on peut rajouter le Japon, sur la bioéthique, il y a une pensée plus nord-américaine qui est autour des valeurs de l'individu, plus qu'une valeur de construction autour de la société et de l'apport à une construction commune. Et puis, il y a une éthique 2.0 sur de très grands pays scientifiques, mais comme la Chine, par exemple, où il se passe une série de choses qu'on ne peut pas accepter. Éthique 2.0, ça veut dire une éthique... C'est dire une éthique au point zéro. au point, c'est pas 2.0, c'est au point zéro. Excusez-moi, j'avais mal compris, j'avais fait un grand contresens. Je pensais que vous évoquiez implicitement le transhumanisme. Qui, du point de vue non, technique... j'évoquais pour la Chine, j'évoquais par exemple, enfin la Chine vient d'exploser au niveau scientifique. Et c'est un grand pays scientifique. Et ils seront un grand pays scientifique. Et puis dans le même temps, il y a une construction qui reste quand même une construction d'État. Et vous avez, je vais citer deux exemples que j'assume. Il y a la vente d'organes de condamnés à mort. Et une expérience récente qui s'est faite en Chine à partir de modifications du génome humain avec les nouvelles techniques d'ingénierie génomique sur l'embryon, qui est inacceptable pour l'ensemble de la communauté scientifique. Mais que valent des recommandations dès lors que leur application reste locale ? En admettant même qu'il y a un comité d'éthique européen, comme vous semblez l'appeler de vos voeux, quelle serait son efficacité si par ailleurs toutes les recommandations qu'il propose sont transgressées en Chine ou ailleurs ? Alors, elles peuvent être transgressées, je l'évoquais pour la Chine, néanmoins, par exemple, sur l'utilisation des nouvelles techniques de génomique sur l'embryon, ça a fait un tel bruit, il y a une telle réaction internationale, que la Chine a été obligée d'emprisonner le médecin et le chercheur qui avait fait cette expérience, et donc qui a mis une série de règles, et puis c'est un pays nouveau, c'est un pays qui, en termes scientifiques, va probablement progresser, hein, quand je dis que je suis assez dur en disant point zéro, mais on va le faire évoluer, hein, les contacts scientifiques existent et il va maturer. Après, c'est une vraie question, c'est-à-dire est-ce que des recommandations en bioéthique ont-elles une quelconque portée ? Alors moi j'ai un bon exemple, j'ai deux exemples. Le premier exemple c'est sur le clonage humain, où il y a eu une position de la communauté internationale il y a maintenant une dizaine d'années, et où tout s'est arrêté. Alors, il y avait deux raisons. Il y avait, d'une part, parce qu'il y a une position très forte hein, de l'ensemble de la communauté, et puis parce que, finalement, le clonage humain, à quoi ça sert hein. C'était aussi, il y avait une vraie question. C'est une première vision qui montre que les lignes rouges qu'il peut y avoir à certains moments sur certaines avancées scientifiques, elles peuvent être, pendant en tout cas un certain nombre d'années, elles peuvent être admises et acceptées par l'immense majorité de la communauté scientifique. Mais est-ce qu'il y a des cas où une décision qui est acceptée par tout le monde, qui est unanime donc, est-ce qu'il arrive qu'elle soit remise en cause au nom d'une évolution des valeurs ? Autrement dit, est-ce que les avis méritent d'être constamment réactivés ? Réétudier par le fait que la société elle-même les juge autrement. Vous rentrez là dans la question de qu'est-ce que la bioéthique finalement. Et il y a plusieurs définitions. Moi j'en ai une assez simple, à vrai dire, qui est il y a des avancées scientifiques et la science avancera toujours, qui n'est pas toujours source de progrès pour l'homme. Il y a des avancées qui sont des avancées en tant que telles. Et qui ne sont pas forcément un progrès immédiat. Je vais vous citer un exemple. Faire des gamètes artificielles, pour ensuite faire un embryon conçu uniquement de façon artificielle, est-ce qu'on est dans le progrès ? On est dans l'avancée scientifique. Est-ce qu'on est vraiment dans le progrès ? Qu'est-ce que ça apporte immédiatement, je dirais ? Bon. Et puis de l'autre côté, il y a une société qui bouge, qui évolue. Et la société française n'est pas la même qu'il y a 50 ans. Et puis, au milieu de ça, donc, il y a cet équilibre compliqué, et la bioéthique se situe sur comment trouver, finalement, le bien-vivre là-dedans. Et elle n'est pas là pour dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Elle est là pour, finalement, que le citoyen arrive à trouver sa place. Alors, pour répondre à votre question... Un élément de réponse, c'est de dire c'est des sujets complexes qui doivent être partagés avec nos citoyens et les choix ne se relèvent pas seulement des sachants, ils ne relèvent pas des politiques qui sont les décideurs, en particulier dans le cadre de la loi de bioéthique, ils relèvent aussi des citoyens eux-mêmes. Et sur ces sujets de santé ou de bioéthique, le triangle citoyen-sachant-politique et à mes yeux, un élément essentiel de démocratie sanitaire. Il me semble, Jean-François Delfrécy, que le moment est venu d'écouter un peu de musique. Et vous avez choisi Paolo Conte parce que, paraît-il, il a une voix grave. C'est exactement ça. Non, j'aime bien Paolo Conte. Vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips, do do do do do, chibum chibum, do do do do do, chibum chibum bum, do do do do do. Via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful, that's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips. Do do do do do, chip, chip, boom. Do do do do do, chip, chip, boom. Do do do do do. Fatti un bagno caldo, c'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, it's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do do do do do, chibum, chibum, boom. Do do do do do, chibum, chibum, boom. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Jean-François Delfrécy, vous avez donc choisi Paolo Conte. Je suis comme vous, j'aime les voix graves. Mais est-ce que c'est la seule raison de votre choix? Non, bah, le mot wonderful est là. C'est-à-dire, moi, j'ai une vision plutôt optimiste sur la vie et sur les hommes. Voilà. Et donc, je trouve que la chanson le redit bien un peu. Alors, revenons, si vous le voulez bien, à ce fonctionnement très particulier du comité d'éthique. Les religieux ne sont pas présents dans le comité lui-même, mais ils sont représentés. Alors comment est-ce que on peut représenter une religion dans des débats comme ceux que vous avez ? Donc les grands courants de pensée, en fait, hein, sont, puisque c'est pas seulement les religieux, sont représentés. Pendant longtemps, il y a eu des représentants directs des religieux. Et puis là, maintenant, par exemple, pour la religion catholique, c'est l'ancienne rédactrice en chef de La Croix, par exemple, qui est présente. Et puis, pour la religion juive, c'est un scientifique qui est présent. Alors, ça pose la question du mode de fonctionnement du comité, et qui est un comité très multidisciplinaire, où nous arrivons tous, moi le premier, avec notre passé, notre culture, nos idées, et où on les confronte avec des gens d'origines différentes. Quand on est médecin, se faire interpeller par un philosophe sur tel ou tel type de sujet et inversement dans l'autre sens, fait qu'on arrive à une construction commune qui se fait petit à petit. En tout cas, depuis moi que je suis au comité, je n'ai jamais entendu quelqu'un prendre la parole en disant « je prends la parole au nom de tel ou tel type de religion et voilà la position ». Non, ça n'existe pas. Qui est, bien sûr, que chacun d'entre des membres du comité ait ses propres positions, sûrement ils les ont, je ne les connais pas d'ailleurs, hein. Mais la construction, elle est très commune. C'est une série, je dirais, d'intellectuels de haut niveau qui prend le temps, gratuitement d'ailleurs, de construire une pensée commune. Mais j'imagine que c'est... Alors, vous êtes optimiste, vous l'avez dit, donc à vous entendre, on a l'impression que la construction dont vous parlez est toujours convergente. Il y a toujours un avis à peu près consensuel. Or, vous dites que le progrès est un peu tombé en crise, au sens où parfois on doute qu'il s'agisse de progrès quand une avancée scientifique est constatée. Mais quand la science était enchâssée dans l'idée de progrès, il me semble que toutes les innovations étaient accueillies avec enthousiasme au motif qu'elles allaient changer la donne et permettre de construire un futur meilleur. Aujourd'hui, on ne peut plus dire que la science soit enchâssée dans l'idée de progrès, de sorte que dans les discussions, ce sont plutôt des valeurs qui se confrontent, qui se discutent, plutôt que des principes. Or, la valeur des valeurs, elle dépend des évaluateurs, et donc chacun peut se recroqueviller sur ses valeurs pour contester une décision qui ne lui convient pas. Alors, la réponse est oui. On essaie de construire, sinon dans le consensus, en tout cas dans une construction commune. Bon. Et on y arrive le plus souvent. Et puis, parfois, on n'y arrive pas. Et donc, il peut y avoir, et c'est prévu, hein, dans le mode de fonctionnement du comité, une position minoritaire qui explicite pourquoi elle est minoritaire. C'est-à-dire qu'il y a un vote à la fin. Et à la fin, il peut y avoir un vote, et avec un avis, qui est par exemple l'avis du CCNE, mais avec une position minoritaire, et chacun se situe avec ses nominales, entre guillemets, qui fait partie de la position minoritaire, et avec un texte de la position minoritaire qui est associé au texte général de l'opinion qu'il peut y avoir. On a eu ça sur certains sujets. Est-ce que vous êtes capable de dire quel type de sujet suscite davantage de conflictualité, si j'ose le mot, que d'autres ? Pour être clair, dans les années que je viens de passer, puisque le CCNE finalement s'occupe de deux types de sujets. Les conséquences de la science et des avancées scientifiques, avec plus ou moins la notion de progrès, d'une part, et deuxièmement, certains aspects de santé et société. Par exemple, on m'a sorti des avis sur santé et migrants, sur santé des santé de et prise en charge de nos personnes âgées, ou sur santé et environnement. Donc des choses qui ne sont pas directement immédiatement issues de tel ou tel type d'avancée scientifique. Alors là où ça, où récemment nous avons eu le plus de complexité entre guillemets, c'est autour de certains sujets de procréation, et en particulier sur ce qui a fait aussi la une de la discussion autour de la loi sur l'ouverture des techniques de procréation assistée de type PMA sur les femmes seules et les couples de femmes, qui ne sont pas directement liées à des avancées scientifiques, mais qui sont une avancée scientifique mise ou pas au service de la société. Et sur ce sujet-là, sur lequel nous avions discuté avant la mise en route de la loi en 2018, eh bien, en effet, il y a eu un avis minoritaire. Vous avez aussi travaillé... Alors, revenons justement sur l'avis que vous avez émis à propos de la révision de la loi bioéthique. On a beaucoup parlé de la PMA, mais il y a beaucoup d'autres sujets qui ont été abordés, et lesquels, à votre avis, méritent d'être davantage connus, parce qu'ils ont été pour l'instant masqués par beaucoup de bruit autour de la PMA. Alors, la révision de la loi, donc, pour que tout le monde comprenne bien, elle a lieu en France tous les 7 ans, et elle va probablement, à la suite de cette loi, passer tous les 5 ans. Pourquoi ? Parce qu'il y a un renouvellement des connaissances en sciences qui est de 50% tous les 5 ans dans les sciences de la vie. Le CCNE avait pour la première fois un rôle d'organisation des états généraux de la bioéthique précédant la loi, hein. On n'est pas des politiques, ce n'est pas nous qui faisons la loi. On était là pour préparer, entre guillemets, et poser les grandes questions qui pouvaient surgir dans le cadre de cette loi. Donc on a organisé l'état général de la bioéthique dans la première partie de 2018, avec différents outils. L'idée était sur des sujets complexes, difficiles, et bien d'interpeller les citoyens pour avoir leur opinion sur tel ou tel type de sujet. Alors on l'a fait à la fois avec des débats en région, des auditions, un site web, et puis un comité citoyen qui est venu et qui a posé des questions sur un certain nombre de sujets et qui nous a accompagnés dans cette démarche. C'est quelque chose de très nouveau, qui rentre bien dans le cadre du triangle que j'évoquais tout à l'heure de démocratie sanitaire, c'est comment on aborde des sujets très complexes ou conflictuels, et comment on peut entamer un dialogue sur ces sujets complexes. Et ça s'est bien passé? Il y a beaucoup de public qui Alors, est venu? Il y a du monde qui est venu. On a fait plus de 280 débats en région, plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont venues. Et de très nombreuses auditions. Ça a été ensuite le Parlement. Il y a une deuxième étape qui a été l'étape plus politique dans laquelle le CCNE n'était pas impliqué, qui lui-même a auditionné tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Et puis avec la construction de la loi qui a été retardée par les phénomènes gilets jaunes entre guillemets, mais qui là maintenant est partie depuis le mois de juillet. Alors. Oui, ça c'est, je dirais, c'est, moi je suis mauvais juge pour dire si ça s'est bien passé ou pas, puisque le CCNE organisait les états généraux. Bon, il me semble qu'en tout cas, il y a eu un effort de formation et de discussion sur ces sujets complexes. Après, c'est insuffisant, et il faut qu'on poursuive ces états généraux de façon plus chronique, si je peux dire, et c'est ce qu'on va faire à partir de 2020, et pas seulement 6 mois avant une loi. La bioéthique nécessite plus que 6 mois de discussion avant une loi. Et alors, les sujets, nous les avions nous-mêmes décidés, entre guillemets, et il y a des sujets classiques de bioéthique, et puis il y avait des sujets sur lesquels on a souhaité aller, sur l'intelligence artificielle et santé, sur l'environnement et santé, et puis il y a des grands sujets aussi autour de la génomique qui méritent beaucoup d'attention. Mais souvent, quand on met la science en débat, ça provoque un curieux mélange de conflits violents et d'indifférence massive. Il y a des conflits parce qu'il y a des positions radicales qui s'affrontent, puis d'indifférence massive parce qu'en général, il y a peu de public qui se déplace. Récemment, en France, dans un tout autre domaine, il y a eu un débat national sur la gestion des déchets nucléaires, et qui est un sujet très sensible, et pourtant le public ne s'est pas précipité. Est-ce que vous pensez que la bioéthique, elle, pose des questions qui sont plus intéressante aux yeux des citoyens, parce qu'ils pensent peut-être qu'elle les touche davantage? Alors, moi, je pense que oui. Les chiffres sont là, d'ailleurs. Hein, c'est que les états généraux de la bioéthique ont rassemblé du monde. Insuffisamment, hein. Mon petit-fils me dit, t'étais content, Daddy, mais finalement, un match de foot avec Paris Saint-Germain, c'est 60 000 personnes. Bon. Donc, il faut relativiser. Il faut être très modeste. Sur ce sujet de rassemblement. Mais néanmoins, c'est une étape qui est importante, qui est regardée, les Français se tirent toujours une balle dans le pied, qui est regardée par le monde entier comme une méthode, entre guillemets, de discussion sur ces sujets. C'est-à-dire qu'il y a des observateurs qui viennent... Ouais. Oui, ou qui nous demandent maintenant d'aller expliquer la méthode et comment se sont passés les états généraux de la bioéthique. Alors, pourquoi il y a peut-être une sensibilité particulière? C'est probablement pas la bioéthique, mais c'est plutôt la santé. La santé, elle est au cœur de chacun d'entre nous. Et elle dépasse une fois de plus largement celle des professionnels, hein, et la vision des professionnels. Et la place du citoyen dans le système de santé, le citoyen se rend compte qu'on est avec une médecine du futur qui est en train d'exploser, et il s'interroge comment il va se situer. Et il se rend compte aussi dans l'organisation même de la santé, comment il va trouver une place. Dans le grand débat national suite aux gilets jaunes, le gouvernement n'avait pas mis la santé dans le débat. C'était pas le sujet. C'est sorti comme un des sujets dominants. Et on sent bien actuellement dans la tension qu'il y a en ce moment autour de la santé des hôpitaux que la santé est plus parlante pour nos concitoyens parce qu'elle les touche, soit directement, soit elle touche leurs proches, soit leurs amis. Et c'est quelque chose sur lequel ils ont l'impression qu'ils ont encore la possibilité de donner leur avis. Et moi, c'est ma démarche. Cette démarche de démocratie sanitaire, dont les choix extrêmement difficiles qu'on va avoir à faire va par rapport à l'innovation et au coût que ça va représenter, eh bien ces choix doivent tenir compte de l'avis des citoyens. Mais justement, Jean-François Delfrécy, que doit-on faire lorsque le coût élevé des médicaments innovants fait que le système de santé, tel qu'on l'a conçu jusqu'à maintenant, se met à vaciller, puisqu'on ne peut pas payer ces médicaments pour toutes les personnes qui en auraient besoin? Mais déjà, il faut le dire. Déjà, il faut mettre le problème sur la table. Alors, le problème n'est pas suffisamment mis sur la table en ce moment. Peut-être pour ceux qui nous écoutent, le médicament représentait jusqu'à maintenant assez peu de choses dans le coût de la santé, par rapport au coût des structures, du personnel, etc. Et puis arrivent, avec les biotechnologies, des médicaments qui ne sont plus fabriqués chimiquement, mais qui sont issus du milieu de la biotechnologie. Et par exemple, dans les nouveaux traitements du cancer, de l'immunothérapie du cancer, qui est en train de révolutionner l'oncologie, eh bien, on a des traitements qui sont de l'ordre de 300, 400, 500 000 euros par patient et par an. Hein. Dans le traitement d'un certain nombre de maladies rares, des certaines formes de leucémie, les traitements avec le CEART, par exemple, eh bien, des jeunes compagnies américaines viennent de sortir à 1,5 million de dollars le traitement et par an. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Dans un système comme un modèle français, on n'a jamais fait de choix et on a toujours dit, et moi le premier, eh bien, il faut le meilleur médecin avec le meilleur traitement pour un patient donné. Et notre système de redistribution permet de le faire, mais c'est à la fois magnifique de dire ça et on l'a tenu jusqu'à maintenant et on sent bien que c'est en train de craquer. Alors, question posée, c'est est-ce qu'on peut s'interroger si vraiment le coût de ces médicaments est totalement justifié? Et la réponse est non. On est rentré maintenant dans un aspect de business et santé qui est majeur, et la majorité des grands laboratoires ne trouvent plus des médicaments, mais vont les acheter, et sont maintenant uniquement des fabricants et des distributeurs. Donc, donc c'est un coût qui n'est absolument pas raisonnable, et ils le savent parfaitement. Donc comment on régule ça? Et puis, pour ne pas non plus tomber sur les laboratoires qui sont absolument nécessaires pour la distribution de médicaments fiables, eh bien, c'est s'interroger ensemble sur où nous allons. Comment nous allons pouvoir faire? Et est-ce que les normes habituelles de coût de médicaments sont-elles encore les bonnes? Et c'est une vraie réflexion. Et le CCNE est sur ce sujet parce qu'il pose une série de questions éthiques derrière ça. On pourrait s'interroger en disant pourquoi vous occupez d'aspects financiers? C'est pas votre rôle. Hein, on s'y intéresse parce que faire un choix d'aller toujours vers l'innovation, qui est un choix très raisonnable, on le fait au détriment d'autres choses. On le fait au détriment du personnel dans les urgences, du personnel dans les EHPAD. En termes de santé, il y a bien une série de grands choix éthiques. Et il faut que ceci soit posé sur la table. Ce n'est pas au CCNE de dire ce qu'il faudra faire ou ne pas faire. Mais il a posé sur la table cette question. Et je reviens à l'idée que nos concitoyens doivent maintenant aussi pouvoir donner leur avis sur ces choix complexes. Alors vous écrivez, Jean-François Delfrécy, dans un article qui est de vous, pas du Comité National d'Éthique, vous écrivez « Financer toujours l'innovation revient en partie à sacrifier d'autres postes de dépenses au sein du budget de santé, comme par exemple celles qui sont allouées aux soins palliatifs, à la prise en charge de la grande dépendance, de la vieillesse, etc. » Ça veut dire oui. De façon globale, Et je l'assume aussi pour moi. On a toujours tendance à aller vers l'innovation. Et d'ailleurs, c'est bien. Si on était resté avec une médecine d'il y a 50 ans, où serions-nous? Et puis, à l'inverse, les coûts sont devenus tellement faramineux qu'il n'y a pas 40 solutions. Il faut faire, un, baisser les coûts. Bon, ça, c'est une première. Et deux, s'interroger, finalement, sur la façon optimale de gérer, à la fois aller vers l'innovation, mais gérer aussi, c'est moins innovant de parler de temps d'écoute d'aide-soignante dans un EHPAD ou de temps d'écoute de prise en charge des patients âgés aux urgences. Mais c'est fondamental. On rentre bien dans l'aspect de dialogue qui doit porter notre système de santé. Et le CCNE porte un certain nombre de valeurs, ça revient à votre question sur les valeurs tout à l'heure, qui sont quand même des valeurs fondamentales autour de la prise en charge et de s'intéresser aux personnes les plus fragiles, parce qu'handicapées, parce qu'âgées, et qui sont une des valeurs qui est partagée et qu'on a bien entendu par nos concitoyens lors des états généraux de la bioéthique. Mais est-ce que vous intéressez également à cette mutation énorme qui se produit avec l'intelligence artificielle, la médecine personnalisée qui se profile, avec le risque qu'on aille vers un système où finalement les soins ne soient pas les mêmes pour tout le monde et les vitesses du progrès en question se différencient notoirement? La réponse est oui, puisqu'on a fait mettre dans l'agenda de la révision de la loi de bioéthique de cette année intelligence artificielle et santé. Et c'est la première fois qu'on en parle dans une loi de bioéthique. Il ne s'agit pas véritablement d'une science, mais plus de l'innovation technologique, avec des côtés extrêmement positifs. Et le CCNE a pris une position là-dessus qui démarre. Il serait inéthique, de ne pas utiliser et profiter de ces innovations technologiques en intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Donc, Mais après, ça nécessite une forme de régulation. Moi, j'ai un très bon exemple que je cite, qui est, enfin, deux exemples. Le premier sur le scandale du Mediator, ce médicament qui entraînait un certain nombre de toxicités au niveau des valves cardiaques. Les chercheurs de l'INSERM ont repris, s'ils avaient pu avoir accès à la base de données de la CNAM, de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, et le signal aurait été donné par la base de données, par le traitement de Big Data, entre guillemets, 5 ans avant le signal qui a été donné par Irène Frachon. Ça, voilà un bon exemple, donc, de l'intérêt du Big Data. Et un deuxième exemple, alors, du quotidien. Eh bien, vous avez, quelque chose de, bon, qui paraît tout à fait normal, et la majorité aussi de ceux qui nous écoutent. La prise de rendez-vous avec les nouvelles méthodes, entre guillemets, sur le net, hein. Qui suppose de pouvoir se connecter. Mais ça suppose de pouvoir se connecter. Et vous avez 16% de la population française qui n'est pas connectée. Et qui sont ces 16%? Les personnes les plus âgées, les handicapés, les migrants, les personnes les plus fragiles. Et vous avez un certain nombre de petites mamies qui, et dans le même temps, les plateformes téléphoniques, y compris la PHP, se sont réduites de moitié, et elles peuvent plus prendre le rendez-vous. Donc à la fois, on a quelqu'un qui est extrêmement content qui va prendre son rendez-vous avec un cardiologue un dimanche soir à 22h, et c'est très bien. C'est la prise de rendez-vous qui sera à 22h le dimanche soir, pas le rendez-vous lui-même. Pas le rendez-vous lui-même, mais la prise de rendez-vous chez lui, tranquille, bon, et avec une logique de la prise de rendez-vous de l'autre côté de la chaîne, et puis de l'autre côté, eh bien, les personnes les plus fragiles qui finissent de basculer et qui finissent de se couper du système de soins, alors que c'est elles-mêmes qui ont le plus besoin des systèmes de soins. Mais est-ce que ce n'est pas le destin de toute technologie d'être en partie excluante? Au moins dans un premier temps. Si, probablement. Et il faut l'admettre. Sauf qu'il faut y donner des limites. Et le Comité national d'éthique est là pour appuyer sur ce qui fait mal à certains moments par rapport à un certain nombre d'innovations. C'est-à-dire à la fois les reconnaître, les encourager, mais dire attention, ces innovations doivent tenir compte d'un certain nombre de valeurs, et la valeur des personnes les plus fragiles reste quelque chose de fondamental, et pas seulement pour le CCNE, mais je dirais pour l'ensemble de nos citoyens français, qu'il a une fois de plus bien répété. Est-ce que vos avis font autorité? Ils n'ont pas de valeur juridique, évidemment, mais ils influencent le pouvoir législatif. Est-ce que vous avez l'impression que l'écho qu'il leur est donné est suffisant et que vous êtes vraiment entendu, à la fois par les citoyens et par le pouvoir politique? Probablement pas. À chaque fois qu'un avis sort, il y a une conférence de presse. Il y a une conférence de presse qui a plus ou moins de retentissement. Je dirais qu'on a on vient d'avoir une forte visibilité à l'occasion de la révision de la loi de bioéthique. Mais avec une discussion au sein du CCNE. C'est-à-dire certains disant, mais dans le fond, on est là comme un organe de réflexion. Et est-ce qu'on a vraiment à intervenir ensuite dans ce qui pourrait être, je dirais, dans des décisions plus stratégiques et plus politiques? Et moi, j'ai plutôt poussé à ça, disons-le, hein, en disant, mais puisqu'on a eu cette réflexion, on a sorti un avis qui était l'avis 129, qui était une sorte de table d'orientation pour les décideurs politiques, qui tenait compte de ce qu'on avait entendu dans les états généraux et de notre propre vision sur les grands sujets que j'ai évoqués. Et il me semblait qu'il était intéressant, avec l'avis 129, eh bien, d'éclairer pour la construction de la loi. Donc, après, on est une instance indépendante, c'est un point essentiel, hein, je crois que c'est ce qui fait l'intérêt du modèle français, c'est-à-dire qu'on n'est pas une agence de l'État, hein, on est quelque chose qui est indépendant par rapport aux positions des différents ministères, et puis c'est à nous de valoriser un peu tel ou tel type de position. Sur deux avis indépendamment de la loi de bioéthique récents, moi j'ai vu des choses beaucoup bouger à partir des avis du CCNE. D'une part sur la prise en charge des personnes des personnes âgées, et sur la rediscussion du modèle EHPAD, eh bien ça a servi de base pour la réflexion qui est en cours au niveau plus politique. Et le signal d'alerte qui avait été donné aussi sur santé et environnement est un point important. Jean-François Delfraissy, on a parlé tout à l'heure de l'intelligence artificielle, de la façon dont elle change la pratique des médecins. Quand on est jeune médecin, on commence ses études, est-ce qu'on n'a pas le sentiment qu'on pourrait être complètement débordé par des technologies qui évoluent sans cesse, qui sont d'une très grande complexité? Est-ce qu'on n'a pas l'impression d'être concurrencé par des algorithmes qui, par exemple, délivrent des diagnostics avec une meilleure précision que ce que les humains peuvent faire. Comment est-ce qu'on peut former les médecins qui sont déjà débordés de considérations techniques et d'apprentissage à s'intéresser aux questions éthiques? Est-ce que ça les engloutit pas dans un programme trop grand pour eux? Alors, moi je pense qu'il faut changer le logiciel, mais d'ailleurs c'est ce qui va se passer. Il faut à la fois leur donner plus de formation, je dirais, sinon à l'éthique, en tout cas aux humanités, hein, au sens large du terme, et qu'ils considèrent bien qu'une grande partie de leur métier va être un métier de relation et de confiance avec la personne qu'ils ont en face de lui, et d'établissement de cette confiance. Et puis, de l'autre côté, mais ça j'ai pas de crainte, de ne pas avoir peur de ces nouvelles technologies. Les médecins sont des gens qui évoluent très vite. Très très vite, de par leur formation. Je veux dire, personne ne comprendrait qu'on soit uniquement avec un médecin, avec un stéthoscope, et c'est fondamental. Mais enfin, les choses ont beaucoup bougé quand même. Bon. Et donc, ils sont habitués à changer. L'échographie est devenue un troisième bras, une troisième main. Enfin bon, donc on est habitué à ça. Sur l'apport des logiciels au diagnostic, oui, c'est complètement différent. Pour faire un prof de médecine comme moi, 35 ans, de haute formation, etc. Et on se retrouve comme je me suis retrouvé par rapport à un robot Big Data au MIT à Boston et qui vous, à partir du moment où on lui pose un cas clinique très difficile auquel j'avais réfléchi et qui vous dit tu vas prendre un café et qui vous sort les possibilités diagnostiques en vous disant pourquoi c'est ça et ensuite quel type de traitement il faut faire, on a un petit choc. Hein. Et il avait raison. Mais ouais, on mais peut imaginer que pour les jeunes médecins, à partir du moment où il y a une sémiologie, c'est-à-dire un contact initial avec le patient, de l'écouter, de quoi il souffre, qu'est-ce qu'il ressent, de constater ce qu'il y a, ensuite de mettre ça dans la machine, qui vous sort une série de possibilités diagnostiques, sur lesquelles il va pouvoir revenir, ça peut lui laisser aussi plus de temps, pour ce qui est fondamentalement son métier, c'est-à-dire dialoguer avec le patient et revenir et lui proposer un traitement. Donc je suis assez optimiste sur l'utilisation de l'intelligence artificielle en santé. Mais si cette intelligence émet des avis, sans pouvoir dire par quel processus et par quel raisonnement elle est arrivée à cet avis, est-ce que le médecin pourra avoir suffisamment d'esprit critique lui permettant de juger de la qualité de cet avis? L'avis sera une proposition. C'est pas la machine qui va donner son avis et qui va prendre en charge le patient. Il y aura toujours ce rôle de dialogue et de transfert qui sera entre les mains du médecin. Et c'est ce qui fait d'ailleurs l'intérêt de notre métier. Hein. Mais par contre, qu'on puisse s'appuyer et avoir accès à une série de données beaucoup plus rapidement qu'on ne l'avait ou qu'avait conçu la formation que nous avions, oui, moi je pense que c'est quelque chose qui va évoluer dans les années qui viennent. Ça veut dire qu'il faut changer le début de la formation de nos étudiants. Ça veut dire aussi qu'il faut consacrer plus de temps, beaucoup plus de temps qu'on ne le fait actuellement, car ils sont mal formés en général, aux grandes questions, autour des humanités. Je vous remercie Jean-François Delfrécy d'être venu à la conversation scientifique. J'ai compris que la médecine allait demeurer et même devenir davantage une science humaine. Et je m'en réjouis. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Mathieu Tourin et à la réalisation Nathalie Salle. Tout de suite, c'était dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Onodibio pour le temps des écrivains.